3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. La compagnie Cyberdyne Systems fut fondée au début des années 1980 en tant que fabricant de composantes informatiques et de machines destinées aux grandes industries. Étant établie à Cheyenne Mountain au Colorado, Cyberdyne développera un nouveau type de processeur informatique si puissant qu'il pourrait potentiellement coordonner tout le matériel militaire des États-Unis sans nécessité d'intervention humaine. Après avoir présenté leurs travaux au Pentagone, les employés de Cyberdyne furent engagés par le SAC NORAD pour construire son nouveau réseau révolutionnaire de superordinateurs géré par un système d'intelligence artificielle sophistiqué. Une usine sera alors ouverte à Sunnyvale, en Californie, dans les années 1990, où la compagnie développera un système connu sous le nom de Skynet, qui pouvait alors coordonner tous les avions commerciaux et militaires américains, ainsi que faire fonctionner les systèmes de défense nucléaire du pays si le besoin s'en faisait sentir. Utilisant l'intelligence artificielle pour remplacer les êtres humains, le système sera mis en ligne le 4 août 1997. Cependant, le 29 août de cette même année, Skynet prendra conscience d'elle-même, forçant ses créateurs paniqués à essayer de mettre hors de fonction le nouveau système. Skynet, qui déterminera alors que tous les êtres humains constituaient une menace pour sa propre existence, ripostera en lançant une attaque nucléaire contre la Russie, sachant que la contre-attaque russe éliminerait ses ennemis aux États-Unis, déclenchant alors une guerre nucléaire mondiale qui dévastera la Terre, anéantissant plus de 3 milliards de vies humaines. Ceux qui survécurent à l'échange nucléaire connaîtront cet événement sous le nom de Judgment Day. Par la suite, Skynet, qui possédait toutes les recherches de Cyberdyne et qui utilisera les ressources restantes de l'entreprise disparue, débutera alors la construction d'une série de systèmes d'armes robotiques qu'elle utilisera pour traquer et éradiquer ce qui restait de l'humanité. Mais la race humaine se soulèvera contre Skynet sous la direction d'un homme du nom de John Connor. En venant à la déduction que d'anéantir John Connor à ce moment-là pour briser la résistance ne ferait aucune différence, Skynet décidera alors de faire des recherches sur le voyage dans le temps et construira une machine afin d'envoyer un cyborg, appelé Terminator, dans le passé afin d'éliminer la mère de Connor et ainsi empêcher la création de la rébellion.

une apparence humaine, mais un corps d'acier. Invulnérable. Il n'est programmé que pour tuer. Tu peux l'empêcher ? Je ne sais pas. Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de titans. Elle est l'élu du futur. Échappera-t-elle au Terminator ? Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. The Terminator, ou Terminator, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios Orion Pictures le 26 octobre 1984. Ce film américain d'une durée de 107 minutes a coûté 6,4 millions de dollars à produire et a amassé plus de 78,3 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de metteur en scène, on y retrouve le réalisateur canadien James Cameron, lui qui a réalisé les films The Abyss, Aliens, True Lie et la version de 1999 de Titanic. Au poste de producteur, on y retrouve la productrice américaine Gail Ann Hurd, elle qui avait produit les films Alien Nation, Armageddon et la série télé The Walking Dead. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste canadien James Cameron, lui qui avait travaillé sur les scénarios des films Rambo First Blood Part 2, Strange Days et Alita Battle Angel, qui sera accompagné ici de Gail Ann Hurd, cette scénariste américaine, elle qui avait écrit certains épisodes de la série télé Aeon Flux de TV Series, ainsi que, bien sûr, le film The Terminator. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Bess Motta, Rick Rozavich, Earl Bowen, Dick Miller, Bill Paxton et Brian Thompson. Un robot à forme humaine a pour fonction d'éliminer une certaine femme qui doit donner naissance au futur leader d'une rébellion des humains contre la domination des machines. Après une ascension rapide dans la compagnie de production New World Pictures, James Cameron se voit soudainement remettre la chance de réaliser le drame d'horreur Piranha 2 de Spawning. Cependant, les relations entre Cameron et son producteur Ovidio Assonitis se dégraderont tant et si bien que Assonitis retira le contrôle artistique du film au jeune metteur en scène. Malgré ce licenciement, Cameron sera tout de même crédité comme réalisateur, ce dernier reniant totalement le drame d'horreur à petit budget, protestant et exigeant que son nom soit retiré du film, ce que refusera, au final, Assonitis. Lors du lancement du long-métrage, Cameron tombera malade et souffrira alors de malnutrition alors qu'il se trouvait dans une chambre d'hôtel à Rome. Ce sera à ce moment que le jeune homme fera de vifs cauchemars, dont un inspirera son prochain film, soit The Terminator. Désirant se servir de ce rêve pour écrire un film de style slasher, Cameron écrira un synopsis de 45 pages qu'il remettra à son agent, qui détestera alors le concept initial et lui demandera de travailler sur autre chose. Fâché de cette situation, Cameron licenciera le dit agent. Retournant à Pomona, en Californie, Cameron ira rester chez l'écrivain de science-fiction Randolph Frakes, où il travaillera de nouveau sur son brouillon de The Terminator. S'inspirant alors du Halloween Carpenter, de films de science-fiction des années 50, de la série télévisée des années 1960 The Outer Limits et de films plus contemporains tels que le film de 1978 The Driver et le Mad Max 2 The Road Warrior du réalisateur australien George Miller, Cameron demandera également l'aide d'un ami, Bill Wisher, pour écrire son premier jet de son scénario. La version initiale du script impliquait l'envoi de deux Terminators dans le passé, le premier étant similaire au Terminator du film original, tandis que le second était fait de métal liquide et ne pouvait pas être détruit avec des armes conventionnelles. Estimant que la technologie de l'époque était incapable de créer le Terminator liquide, Cameron dut abandonner son idée. C'est à ce moment qu'entrera en scène la productrice Gail Ann Hurd, qui avait travaillé chez New World Pictures en tant qu'assistante de Roger Corman. Cette dernière se montra très intéressée par le projet. Cameron vendra alors les droits de The Terminator à la jeune productrice pour 1$, avec la promesse qu'elle ne produirait le scénario en film que si Cameron s'occupait de la réalisation. Heard suggérera quelques modifications au script et, une fois celle-ci apportée, approchera alors un groupe d'amis qui travaillait chez la compagnie de distribution Orion Pictures. Les exécutifs d'Orion accepteront alors de distribuer le futur long-métrage à condition que le financement soit trouvé ailleurs. Ce sera finalement John Daly, président de Helmsdale Film Corporation, et son vice-président exécutif et chef de production Derek Gibson qui accepteront alors de devenir producteur exécutif du projet. Daly acceptera donc de soutenir le film avec l'aide de HBO. Un budget sera d'abord entendu à plus de 4 millions de dollars, puis porté à 6,5 millions de dollars avec l'arrivée de cofinanciers, soit les entreprises Pacific Western Production, Euro Film Funding et Cinéma 84. Pour le rôle de Kyle Reese, les exécutifs d'Orion Pictures désiraient une étoile dont la popularité augmentait aux États-Unis, mais qui aurait également un attrait à l'étranger. Ce sera le cofondateur d'Orion, Mike Medavoy, qui enverra à l'agent d'Arnold Schwarzenegger une copie du scénario, espérant que ce dernier interprète le personnage. Cameron acceptera de rencontrer Schwarzenegger et trouvera ce dernier inapte pour le rôle du héros, mais deviendra convaincu que l'acteur autrichien serait parfait pour interpréter le personnage du Terminator. Cependant, Schwarzenegger ne sera pas initialement enthousiasmé par le projet, mais pensait tout de même que jouer un robot dans un film contemporain serait une très bonne idée, un changement de rythme par rapport à la production de Conan the Barbarian. De plus, ce film devait être suffisamment discret pour ne pas nuire à sa carrière si celui-ci échouait au box-office. Il est à noter que les acteurs Sylvester Stallone et Mel Gibson s'étaient vus précédemment offert le rôle du robot meurtrier, mais ces derniers l'avaient refusé. Toujours à la recherche d'un acteur pour le personnage de Reese, Cameron rencontrera le chanteur et acteur Sting pour le rôle, mais ce dernier ne se montra pas intéressé. Au final, le réalisateur canadien choisira l'acteur Michael Biehn, un comédien aspirant à cette époque à jouer aux côtés d'acteurs de renom tels que Al Pacino, Robert De Niro et Robert Redford. Dans les premières versions du scénario, Sarah Connor est décrite comme une jeune femme de 19 ans possédant des traits petits et délicats. L'actrice Lisa Langlois se verra offrir initialement le rôle, mais refusera car elle était en train de tourner The Slugger's Wife. C'est alors que Cameron se tournera vers l'actrice Linda Hamilton, qui venait tout juste de terminer la production de Children of the Corn. Cameron trouvera également un rôle pour son acteur fétiche Len Henriksen après que ce dernier l'ait aidé à trouver son financement avec la compagnie Helmsdale Film Corporation, ayant interprété le personnage du Terminator lors du meeting entre Cameron et John Daly. Pour la création des effets spéciaux, James Cameron désirait le technicien Dick Smith, qui avait travaillé sur les films à succès The Godfather et Taxi Driver, mais ce dernier refusera l'offre du réalisateur à cause du budget minime de la production et lui suggérera alors son ami Stan Winston. Suite à une rencontre entre les deux hommes, Winston acceptera le poste et se mettra rapidement au travail pour la conception des effets pratiques. Le tournage du long-métrage devait commencer au début de 1983 à Toronto, mais sera interrompu lorsque le producteur Dino De Laurentiis appliquera son option dans le contrat de Schwarzenegger qui le rendait indisponible pendant 9 mois à cause du tournage de Conan the Destroyer. Pendant cette période d'attente, James Cameron sera embauché pour écrire le scénario de Rambo First Blood Part 2, rencontrera les producteurs David Geller et Walter Hill afin de discuter d'un projet de suite au film de Ridley Scott, Alien, et en profitera également pour épurer son scénario Terminator. Durant cette période, les exécutifs d'Orion Pictures feront la suggestion aux jeunes réalisateurs scénaristes de renforcer l'intérêt amoureux entre les personnages de Sarah et Reese, ce qu'il acceptera de faire. De plus, Cameron et Stan Winston travailleront ensemble afin de créer le look du Terminator, échangeant des croquis d'un design qui sera presque identique au dessin original que Cameron avait réalisé à Rome suite à son cauchemar. Ce sera finalement en mars 1984 que débutera le tournage du film, cette fois-ci à Los Angeles, afin de sauver de l'argent sur la production. Une complication surviendra une semaine avant le début du tournage, lorsque l'actrice Linda Hamilton se foulera la cheville. Cela entraînera un changement d'horaire de la production, selon lequel certaines scènes mettant en vedette Hamilton seront filmées plus tard que le calendrier de tournage avait prévu à l'origine. La cheville de l'actrice sera entourée d'un bandage durant toute la production, Hamilton souffrant durant la majeure partie du tournage. Un autre problème pour Cameron sera la prestance de Schwarzenegger sur le plateau, ce qui forcera alors le réalisateur canadien à changer le style de son long métrage complètement, se retrouvant à faire des choses qui n'étaient pas prévues à l'origine. Une situation cocasse surviendra durant le tournage de la séquence finale où Sarah se retrouve sur une autoroute avec son Jeep. En effet, celle-ci sera filmée sans permis. Après qu'un policier ait confronté l'équipe technique, Cameron et Hurd réussiront à convaincre ce dernier qu'il tournait un film étudiant au UCLA. Le tournage débutera avec une équipe non syndiquée, ce qui provoquera des différends lors de l'apparition d'un chef d'entreprise syndiqué sur le plateau, problème qui sera réglé lorsque le Conseil national des relations du travail négociera un règlement en faveur de la société de production. Plus de 10 semaines de tournage, dont 8 consacrées aux séquences tournées de nuit, seront nécessaires. Des caméras portables, plutôt qu'un système Steadicam, seront utilisées, celles-ci étant moins encombrantes et permettant ainsi la réalisation de plusieurs scènes de nuit qui n'auraient pu être filmées autrement. Schwarzenegger cherchera à changer certains dialogues du film qu'il avait du mal à prononcer à cause de son accent autrichien, dont la phrase iconique « I'll be back ». Cameron refusera de changer quoi que ce soit, forçant alors l'acteur à dire son texte du mieux qu'il pouvait. Stan Winston travaillera avec une équipe de 7 artistes pendant plus de 6 mois afin de créer les différents effets du long-métrage. Pour les séquences se situant en 2029, ce sera Gene Roran Jr. et sa compagnie Fantasy 2 qui seront responsables des scènes en stop-motion. L'une des armes vues dans le long-métrage et sur l'affiche du film était un pistolet AMT Long Slide modifié par le concepteur Ed Reynolds de la compagnie Surefire afin d'y inclure un viseur laser. Des versions non fonctionnelles et fonctionnelles de l'accessoire seront créées pour la production. D'ailleurs, au moment du tournage, les lasers à diode n'étaient pas disponibles, ce qui forcera alors Schwarzenegger à activer manuellement le laser du viseur en utilisant une alimentation électrique externe. Pour son travail, Reynolds ne recevra en compensation que du matériel promotionnel du drame de science-fiction. Une fois la production terminée sur The Terminator, quelques plans seront tournés afin de compléter certaines séquences. Pendant ce temps, ce sera le compositeur Brad Fiedel qui composera et interprétera sur synthétiseur la partition musicale du long-métrage. Fiedel obtiendra le poste de compositeur grâce à son agente qui travaillait pour l'agence Gorfain Schwartz, celle-ci envoyant à Cameron une cassette de musique composée par Fiedel lorsqu'elle entendra parler du projet de film. Cameron et Hurd inviteront alors Fiedel à une projection du film prémontée. Cependant, Galen Hurd n'était pas sûr que Fiedel soit capable de composer la musique du drame de science-fiction, le compositeur n'ayant travaillé qu'à la télévision et non au cinéma. Cependant, Fiedel finira par convaincre les deux individus en leur montrant une pièce expérimentale qu'il avait composée, forçant alors Hurd et Cameron de l'embaucher. Le thème de The Terminator sera créé lorsque Fiedel expérimentera différents rythmes pour le film et créera accidentellement une boucle incomplète sur son synthétiseur, ce qui deviendra alors le thème iconique du personnage robotique. En plus de la trame instrumentale, Fiedel ira chercher divers chanteurs et chanteuses tels que Tawny Kane et Triangles, Jay Ferguson ainsi que Lynn Van Heck pour la création de plus de 5 chansons. Juste avant la sortie du drame de science-fiction en salle, le producteur indépendant Barry Plumley tentera d'empêcher la sortie du film en salle, intentant alors une action en justice contre le distributeur MDL Film Corporation, affirmant que la société lui avait promis verbalement de les créditer en tant que producteur associé ou coproducteur exécutif en échange de son aide dans le développement du projet et l'obtention de financement pour ce dernier. Une audience sera réalisée le 19 octobre 1984, Plumley perdant alors sa cause. Les exécutifs de Orion Pictures n'avaient malheureusement pas confiance dans la bonne performance de The Terminator au box-office et craignaient un accueil critique négatif. Une seule projection de presse pour le film sera organisée par Orion avant la sortie du long-métrage en salle le 26 octobre 1984. Lors de sa semaine d'ouverture, The Terminator sera diffusé dans plus de 1012 salles et remportera plus de 4 millions de dollars, ce qui en fit le numéro 1 au box-office. Le film restera numéro 1 également durant sa deuxième semaine et sera finalement un succès surprise pour la compagnie de distribution de films, amassant au total plus de 38,3 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et un 40 millions additionnels à travers le reste du monde. L'écrivain Harlan Ellison, qui avait écrit le scénario de l'épisode intitulé « Soldier » de la série télé « The Outer Limits », menacera alors d'intenter une action en cours pour plagiat, mais finalement, les exécutifs de la compagnie Orion s'entendront avec l'auteur pour une somme d'argent non divulguée et donneront à l'écrivain un crédit de reconnaissance au générique des copies vidéo qui sortiront plus tard sur le marché. Cameron était contre cette décision de Ryan de régler à l'amiable et n'aura d'autre choix que d'accepter ce règlement. The Terminator remportera 3 Saturn Awards pour le meilleur film de science-fiction, le meilleur maquillage et le meilleur scénario. Le film recevra également la reconnaissance de l'American Film Institute, classé 42e sur la liste des films américains les plus palpitants. Le personnage du T-800 sera, lui, sélectionné comme le 22e plus grand méchant de toute l'histoire du cinéma, alors que la phrase de Schwarzenegger, « I'll be back », deviendra la 37e plus grande citation de l'histoire du cinéma. En 2005, le magazine Total Film désignera le Terminator comme étant le 72e meilleur film de tous les temps, alors qu'en 2008, le magazine Empire sélectionnera The Terminator comme l'un des 500 plus grands films de tous les temps. Empire a également placé le T-800 au 14e rang sur sa liste des 100 plus grands personnages de films de l'histoire. En 2008, The Terminator sera jugé culturellement, historiquement et esthétiquement significatif par la Bibliothèque du Congrès et sélectionné pour être conservé par le National Film Registry des États-Unis. En 2010, l'Independent Film and Television Alliance sélectionnera le film comme l'un des 30 films indépendants les plus importants des 30 dernières années, alors qu'en 2015, le film se retrouvera dans le livre « 1001 films à voir avant de mourir ». Ce sera l'auteur Sean Hudson qui écrira la romanisation du film qui sera publiée le 21 février 1985 par la maison d'édition Star Books basée à Londres. Les écrivains Randall Frakes et William Wisher écriront une autre romanisation différente pour la maison d'édition Bantam Spectra qui sera, elle, publiée en octobre 1985 aux États-Unis. Ce sera par la suite en septembre 1988 que Now Comics sortira une bande dessinée basée sur le film. Dark Horse Comics publiera par la suite en 1990 une bande dessinée se déroulant 39 ans après le film. Plusieurs jeux vidéo basés sur The Terminator sortiront entre 1991 et 1993 sur diverses consoles, dont Nintendo et Sega. L'acteur Paul Winfield, qui a longtemps lutté contre le diabète, décédera le 7 mars 2004 d'une crise cardiaque au Queens of Angels Hollywood Presbyterian Medical Center à Los Angeles. Il n'était âgé que de 64 ans. Possédant des rôles secondaires, les acteurs Dick Miller, Richard Aiello, Franco Colombo et Bill Paxton nous ont également quittés avec le temps. Suite à la production de The Terminator, James Cameron épousera la productrice Gail Ann Hurd en 1985. Du côté des points forts, eh bien, Terminator est un film dont le concept original et tordu est soutenu par une réalisation audacieuse et énergique pour ce type de film à petit budget. Suite à la catastrophe de Piranha 2, on pouvait s'attendre à un produit de moins bonne qualité de la part de Cameron qui nous prouve ici, alors qu'il en est à ses débuts, qu'il peut faire partie des grands réalisateurs d'Hollywood. La distribution est excellente et il fait drôle de voir des acteurs de gros calibre faire des petites apparitions par-ci et par-là, tels que Lance Henriksen, Bill Paxton, Dick Miller, Brian Thompson et Paul Winfield. Du côté de Schwarzenegger, ce dernier est tout simplement parfait pour le rôle, très physique et peu de dialogue, quelque chose qui semblait lui être destiné dès la création du personnage. Le visuel et la direction photo sont excellentes, alors que le rythme de l'action continuelle et le suspense bien mené par le réalisateur permettent aux spectateurs de rester captivés à l'écran. Les scènes d'action sont réalisées de façon spectaculaire, le tout renforcé par un souci du détail incroyable lors de la dégradation du Terminator, surtout avec le travail de maquillage tout simplement époustouflant de Stan Winston et de son équipe. Les effets spéciaux sont excellents pour l'époque et surtout pour le budget ridicule de cette production. Mais du côté des points faibles, eh bien malheureusement, certains des effets spéciaux ont mal vieilli ou paraissent mal à l'écran, principalement dû à ce budget très restreint de production. Les séquences de guerre du futur font très film de série B avec ses sons de rayons laser tirés tout droit d'un film de science-fiction italien. Un autre problème est la musique de Brad Fiedel qui, malgré un thème iconique, semble mal s'intégrer au film, soit par le fait que la trame soit réalisée avec un synthétiseur et manque ainsi d'orchestration, soit par le fait que la musique soit enregistrée trop basse pour le long métrage par rapport au reste du son. Au final, il faut laisser son cerveau à la maison, car la base de l'histoire temporelle est impossible ici, le futur étant responsable du passé. De plus, cela amène une histoire d'amour entre Sarah et Kyle qui ralentit énormément le rythme du long métrage qui allait jusque-là à un train d'enfer. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain Brad Fiedel qui est responsable de la musique du film ici, lui qui avait réalisé la musique des films de Big Easy, Just Before Dawn et la version de 1985 de Fright Night. On peut retrouver la trame sonore de The Terminator en CD et en vinyle. Ça, c'est sorti sous l'étiquette DCC en 1984. Il y aura également une Definitive Edition de la soundtrack ou de la trame sonore qui sortira en CD en 1994 sous l'étiquette Edel. Et finalement, le 8 avril 2016, sortira en vinyle ainsi qu'en CD une version complète de la trame sonore de The Terminator qui sera distribuée sur le marché sous l'étiquette Millen Records. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There's soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. It's intermission, rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank's sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. Terminator! I'm back. Got to find John Connor. But evil T-1000 gets to him first. Hey, back off. Terminator's heavy metal cycle zeroes in and fires. But T-1000 stands to get even. This is for getting on my bad side. You're next, John Connor. I'm back. Terminator deploys his secret weapon. Hasta la vista, baby. Terminated. This time. Terminator is back. Terminator 2, the future warrior brought back to save our world. His mission, to destroy the evil T-1000. In his mobile assault vehicle, Terminator scours the streets for his deadly foe. Adios, amigo. It's the ultimate confrontation as power-armed Terminator faces certain death, only to return stronger and more powerful as Techno-Punch Terminator. Hasta la vista, baby. Terminator 2. I'll be back. Terminator's back to fight evil with his mobile assault vehicle. I've got to find Evil T-1000. Disguised as a policeman, Evil T-1000 aims to destroy. I've got you now. Who's got who? Time to get serious. New Mobile Assault will blow you away. The party's over, T-1000. Adios, amigo. Terminator. I'll be back. He's traveled across time and space. Finally, he's here. The ultimate Terminator. He looks mean. He sounds mean. Hasta la vista, baby. And with the awesome hand blaster, he's a real mean machine. The ultimate Terminator for the ultimate Terminator adventure. I'll be back. Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Rated X. Fabrication. Ces photos ont été prises au commissariat de West Island en 84. Vous y étiez. Même modèle. Celles-ci ont été prises aujourd'hui. Vous devez me laisser voir mon fils. Il court un grand danger. Nouvelle mission. L'identification s'est opérée. Avant, il était programmé pour détruire l'avenir. Tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de tuer une de ces choses. Maintenant, sa mission... Baisse-toi. C'est de le protéger. Maman! Viens avec moi si tu veux vivre. T'es réellement réel? Il est programmé pour protéger un enfant. Et qui t'a envoyé? C'est toi, il y a 25 ans. Mais c'est un Terminator comme toi? Pas comme moi. Et la plus efficace machine de mort jamais créée. On ne peut pas la détruire? Je ne sais pas. Cette fois, ils sont deux. Terminator 2. Tu ne peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas? Pourquoi? Si vous pensiez avoir tout vu... Revenez voir. Reste couché! Maintenant! Il faut qu'on reste ensemble! Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, le jugement dernier. Cette fois, il revient. Pour de bon. Croyez-moi. Terminator 2, Judgment Day, ou Terminator 2, Le Jugement Dernier, est un drame de science-fiction qui sera distribué par les studios TriStar Columbia Pictures le 3 juillet 1991. Ce film américain d'une durée de 137 minutes, une durée cinématographique, ou encore de 154 minutes, étant le director's cut de James Cameron, a coûté plus de 75 millions de dollars à produire et à amasser plus de 520,9 millions de dollars au box-office international. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène canadien James Cameron, lui qui avait réalisé les films Terminator, True Lies et la version de 1999 de Titanic. On y retrouve bien sûr au poste de producteur ce même James Cameron, lui qui avait produit les films Solaris, The Abyss et Terminator Dark Fate. Et finalement, au poste de scénarisation, on y retrouve James Cameron, à titre de scénariste canadien, lui qui avait écrit les scénarios de Avatar, Aliens et Xenogenesis, ainsi que William Wisher, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Dominion, Prequel to the Exorcist et Caleb Scar. Dans la distribution, on y retrouve Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Bowen, Joe Morton et Jeanette Goldstein. Menacés par un robot meurtrier venu du futur, une mère et son garçon, voués à devenir le chef de la rébellion humaine contre la domination des machines, sont secourus par un cyborg d'apparence humaine. Le succès surprise de Terminator confirmera le statut de vedette de Schwarzenegger et établira James Cameron comme un réalisateur de premier plan. Après la fin du tournage du drame de science-fiction, les exécutifs de Hamdale Film Corporation annonceront leurs intentions de produire une suite dont le tournage devait commencer à l'automne 1985. Schwarzenegger exprimera alors à son réalisateur l'intérêt pour ce projet. Cependant, le metteur en scène canadien considérait sa récente œuvre comme une histoire complète. Cela expliquera en partie pourquoi les discussions pour faire une suite seront bloquées jusqu'en 1989. De plus, Cameron fut très occupé par la réalisation d'autres films tels que Aliens en 1986 et The Abyss en 1989. Une autre situation problématique sera également responsable du délai, soit celle d'un différend avec le détenteur des droits de Hamdale Film Corporation. En effet, le cofondateur de la compagnie de production de films, John Daly, avait tenté de modifier la fin de The Terminator contre la volonté de Cameron, aboutissant presque à une confrontation physique entre les deux hommes. Une suite ne pouvait donc pas être réalisée sans l'approbation d'Hamdale, car le réalisateur canadien avait dû céder 50 % de ses droits à la société pour réaliser son film à l'époque, les parts restantes appartenant à son ex-femme, la productrice Gail Ann Hurd, dont il divorça en 1989. En 1990, Schwarzenegger était devenu conscient que la maison de production Hamdale éprouvait des difficultés financières et convaincra alors les exécutifs de la Carolco Pictures d'acheter les droits cinématographiques suite à son travail sur le film de science-fiction à gros budget Total Recall. Les négociations entre le président de Carolco, Mario Cazar, et John Daly seront des plus difficiles, Cazar remettant alors un montant de plus de 10 millions de dollars pour la part d'Hamdale. Quant à Gail Ann Hurd, cette dernière sera de retour à titre de productrice exécutive. Par la suite, Arnold Schwarzenegger déclarera qu'il ne jouerait le rôle du Terminator que si Cameron reprendrait son rôle de réalisateur, ce qui forcera alors Cazar à offrir un contrat de plus de 6 millions de dollars au réalisateur canadien afin que ce dernier écrive, réalise et produise le nouveau film. Afin de récupérer une partie de son investissement, Cazar s'associera avec plusieurs studios de production pour produire le long-métrage, soit Studio Canal+, Lightstorm Entertainment et Pacific Western Production. Cazar s'associera également avec les studios de distribution TriStar Pictures et une date de sortie sera alors étendue pour le Memorial Day américain de 1991, soit le 27 mai. Avec cette date de sortie prévue, cela ne donnera à Cameron que 8 semaines pour écrire son scénario. Afin de l'assister dans son écriture, le réalisateur approchera son collaborateur et co-scénariste du premier Terminator, William Wisher, en mars 1990. Les deux hommes passeront alors 2 semaines à développer un traitement cinématographique basé sur la vision qu'avait Cameron d'une relation familiale entre John Connor et le T-800, un concept que Wisher croyait être une blague à l'origine. Pour le concept du combat entre deux Terminators, Wisher était convaincu qu'une confrontation entre deux Terminators identiques serait ennuyeuse, réutilisant alors le concept que Cameron avait à l'origine pour son premier film, soit un Terminator fait de métal liquide ressemblant à un humain de taille moyenne. Wisher, qui développera la première moitié du traitement au domicile de Cameron pendant plus de 4 semaines, trouvera difficile de décrire le T-800 comme étant bon sans le rendre en même temps non menaçant. Ne tenant pas compte de son budget lors de l'écriture du script, Cameron devait abandonner, au final, certaines scènes élaborées, y compris une ouverture de 9 minutes montrant la fameuse machine à voyager dans le temps utilisée en 2029. Afin de s'assurer que leur concept serait réalisable, les deux scénaristes seront fréquemment en contact avec les techniciens de studios d'effets spéciaux Industrial Light and Magic lors de l'écriture. Schwarzenegger était très intéressé de reprendre son rôle de façon plus complexe et plus sympathique que dans le film précédent. Pour représenter avec précision cette machine intrépide et sans émotion, il s'entraînera intensivement avec le coordinateur des cascades Joel Kramer pour ne pas être affecté par les incendies et les explosions autour de lui. Schwarzenegger touchera entre 12 et 15 millions de dollars pour son implication. À cette époque, les exécutifs de Carolco étaient blâmés pour l'augmentation des salaires exorbitants versés aux acteurs après avoir versé à Schwarzenegger environ 11 millions de dollars pour Total Recall en 1990. Le studio justifiera cette dépense par la valeur du large attrait de leurs prospects sur le marché en dehors des États-Unis. Afin d'alléger le fardeau financier immédiat causé par le budget démentiel de T2, Carolco paiera la majeure partie du salaire de Schwarzenegger avec un avion à réaction Gulfstream 3 financé à 12,75 millions de dollars. Pour Linda Hamilton, les négociations entre elle et les studios Carolco furent longues et difficiles. Il faudra que Cameron informe les exécutifs du studio que le scénario ne pouvait être terminé tant qu'il ne saurait pas si Hamilton serait impliqué ou non, ce qui forcera alors un règlement rapide entre les deux parties. Au final, Hamilton ne recevra qu'un maigre 1 million de dollars pour tout son travail. Une fois son contrat signé, l'actrice entreprendra une préparation pour son rôle, travaillant avec un entraîneur personnel 3 heures par jour, 6 jours par semaine, et maintenant un régime strict faible en gras, perdant environ 12 livres de poids corporel. Elle recevra également une formation en judo et une autre militaire. Entre l'entraînement, le tournage et le temps passé avec son petit-fils Dalton, âgé de seulement 1 an, Hamilton ne dormait en moyenne que 4 heures par jour. Edward Furlong sera, lui, choisi parmi des centaines d'autres candidats et obtiendra le rôle du jeune Connor lors de sa toute dernière audition. Furlong n'avait aucune expérience d'acteur à cette époque et Cameron exigera que ce dernier prenne des cours de théâtre, qu'il apprenne l'espagnol et qu'il soit capable de conduire une moto et de réparer des armes à feu. Il obtiendra son poste seulement 1 mois avant le début du tournage. Pour le personnage de Miles Dyson, celui-ci ira à l'acteur Joe Morton après que Denzel Washington eut refusé le poste, car celui-ci l'obligerait à interpréter son rôle en agissant continuellement avec peur. Afin de respecter le calendrier de sortie, Cameron ne bénéficiera pas du temps souhaité afin de préparer tous les aspects avant le début du tournage. Avec seulement 3 mois de pré-production, ce dernier fournira des storyboards pour chaque scène, tandis que le concepteur d'effets John Bruno et l'artiste Philip Norwood seront responsables des storyboards pour les effets et les séquences d'action. Pendant plus d'une semaine, le réalisateur passera plusieurs heures par jour à chorégraphier des scènes de véhicules avec des voitures et des camions jouets, à filmer les résultats et à imprimer les images pour les artistes du storyboard. Cela fera en sorte qu'il n'aura pas le temps de tester correctement les effets pratiques avant le tournage, ce qui faisait en sorte que si les effets ne fonctionnaient pas, le cinéaste aurait été obligé d'abandonner certaines idées. Ce sera le directeur de la photographie Adam Greenberg, qui a également travaillé sur The Terminator, qui sera de retour pour s'occuper du visuel de ce nouveau long-métrage. Le tournage principal débutera le 8 octobre 1990 avec un budget de 60 millions de dollars. Cameron tournera ses scènes dans le désordre afin de donner la priorité à celles nécessitant des effets visuels étendus, ce qui donnera du fil à retordre à Schwarzenegger, qui était censé transmettre des signes subtils de l'humanité progressiste du T-800. La production sera très ardue pour toute l'équipe, en partie à cause du réalisateur canadien, connu pour son caractère colérique et son attitude dictatoriale sans compromis. Cela ira même jusqu'à certains membres de l'équipe technique qui feront la confection de T-shirts portant le slogan « You can't scare me, I work for Jim Cameron ». Même les acteurs principaux du film, soit Schwarzenegger et Hamilton, deviendront frustrés par le nombre élevé de prises réalisées par le réalisateur. Pour respecter son calendrier, Cameron ira même jusqu'à travailler jusqu'à Noël et persuada même Schwarzenegger d'annuler une visite aux troupes américaines en Arabie Saoudite avec le président George W. Bush pour filmer certaines de ses séquences. Terminator 2 sera tourné dans de nombreux endroits à Los Angeles et de ses environs. Pour le bar Coral, endroit où le T-800 affronte un groupe de motards, ce dernier, qui est aujourd'hui détruit, fut choisi parce qu'il était surélevé au-dessus du sol, permettant à la scène de se dérouler sur différents niveaux. Pour la séquence de la destruction du bâtiment Cyberdyne, celle-ci sera filmée dans un bureau abandonné à San Jose, dont la démolition était déjà prévue. Pour apporter un sentiment accru d'authenticité, De vrais membres de la division SWAT du département de police de Los Angeles furent utilisés dans la scène, bien que Cameron ait embelli leur tactique pour qu'elle soit visuellement plus intéressante. La poursuite finale fut filmée le long de l'autoroute Terminal Island, près de Long Beach, dont un tronçon de 4 km fut fermé à la circulation chaque nuit pendant plus de 2 semaines. De plus, Cameron voulait tourner ses scènes en continu, en une seule et longue séquence, et utilisait des caméras à l'intérieur des voitures et des hélicoptères pilotés par les pilotes cascadeurs Chuck et Mike Tamburo. Ce sera cependant Chuck Tamburo qui réalisera la cascade de l'hélicoptère volant sous un pont avec seulement 1,5 m d'espace libre au-dessus et en dessous de lui. Parce que les caméramans refusèrent de filmer la scène en gros plan, ce sera Cameron lui-même qui tournera la séquence depuis un véhicule en mouvement. Pour les scènes se déroulant pendant la future guerre de 2029, ces dernières furent tournées dans les décombres d'une ancienne aciérie abandonnée située à Oxnard, en Californie, dans un espace d'un demi-mille carré qui fut agrémenté de vélos et de voitures brûlées lors d'un incendie en 1989 dans les studios Universal. La fin du long-métrage sera filmée dans l'aciérie Kaiser Steel à Fontana, que Greenberg a rendu opérationnel principalement grâce à des techniques d'éclairage. Bien qu'elle semble fondre activement de l'acier, l'usine était glaciale et dangereuse en raison des machines en mouvement et des hautes passerelles. Les 6 mois de tournage se termineront le 26 mars 1991 avec environ 3 semaines de retard sur ce qui était prévu à l'origine. Ce sera la scène d'ouverture du film illustrant la guerre future en 2029 qui fut la dernière à être filmée. Durant la production, l'actrice Linda Hamilton subira une perte auditive partielle permanente de l'audition suite à des mois d'exposition à la violence, aux bruits forts et aux coups de feu. Un calendrier de 10 mois, avec un budget d'environ 15 à 17 millions de dollars, seront alors alloués uniquement aux effets spéciaux, dont 5 millions de dollars pour tout ce qui touchait au T-1000. Plus d'un million de dollars additionnels sera alloué pour les cascades, un des montants les plus importants alloués aux cascades d'un film à cette époque. De plus, plus de 4 entreprises seront impliquées dans la création des 150 effets visuels du long-métrage, soit Industrial Light and Magic, Stan Winston Studio, Fantasy II Film Effect, ainsi que Forward Production. Les compagnies Pacific Data Images et Video Image fourniront quant à elles quelques effets visuels supplémentaires. Les restes rouillés et endommagés du T-800 à l'échelle 1-3 du film The Terminator seront nettoyés et réparés pour être utilisés comme figure de fond. Ce sera Stephen Berg qui sera chargé de concevoir les avions et les chars Hunter Killer de Skynet qui seront alors construits par les techniciens de la compagnie Fantasy II et intégrés dans des séquences d'action réelles de soldats humains. 7 modèles radiocommandés à l'échelle 1-6 furent construits, 2 fonctionnels et 5 autres destinés à s'écraser ou à exploser. Tous ces modèles furent malheureusement détruits lors de la production. 4 endoskeletons T-800 furent créés pour le film par l'équipe de Stan Winston en utilisant le moule du T-800 du film original de 1984. 2 de ces endoskeletons étaient entièrement articulés et contrôlés par des câbles et des commandes radio. Les 2 autres étaient des versions mobiles, mais non articulées, qui pouvaient être affichées en arrière-plan. Alors que l'original était construit en époxy et en acier et pesait environ 100 livres, la nouvelle version fut fabriquée à partir d'une résine d'uréthane hybride renforcée avec un tissu en fibre de verre et une petite quantité de métal, ce qui réduira de moitié son poids. Représenter le T-1000 fut une entreprise risquée car le CGI à cette époque était à ses débuts et il n'y avait aucun plan de secours en place si celui-ci ne fonctionnait pas comme prévu ou ne pouvait pas être combiné efficacement avec les effets pratiques de Winston. Une équipe de 35 personnes à Industrial Light and Magic fut nécessaire pour la création des effets visuels et le processus était si complexe qu'un rendu de 15 secondes pouvait prendre jusqu'à 10 jours. Le compositeur de Terminator, Brad Fiedel, sera de nouveau embauché pour la composition de la trame musicale de cette suite. Travaillant de son garage à Studio City à Los Angeles, son retour sera reçu avec inquiétude et scepticisme par les exécutifs de Carolco, pensant que son style ne conviendrait pas au film. Fiddle produira la musique de T2 avant même que le film n'entre en tournage, se rendant rapidement compte qu'il ne recevrait les images finales que tard dans la production, ce qui rendait difficile la prise de décision telle que l'utilisation d'un orchestre. Finalement, le compositeur utilisera deux synthétiseurs Fairlight CMI, un pour produire des instruments à percussion et l'autre contenant les instruments restants. Alors que la partition de Terminator n'utilisera principalement des oscillateurs et des synthétiseurs, Fiddle enregistra de vrais instruments et modifiera leur son pour le nouveau film. Alors que la post-production se déroulait au Skywalker Sound à Lucas Valley en Californie, Fiddle ne put entendre le montage final car il était occupé à produire la partition finale dans son garage à Studio City. Les exécutifs de la Tristar demanderont alors à Schwarzenegger d'arranger un clip vidéo et une chanson-thème pour le film. L'acteur choisira alors de travailler avec le groupe rock Guns N' Roses parce qu'ils étaient populaires à cette époque. Flattés de cette attention, les membres du groupe proposeront l'utilisation de leur chanson « You Could Be Mine », le premier single de leur album « Use Your Illusion 2 » paru en 1991. Un vidéoclip de cette chanson sera alors réalisé par Stan Winston, Andrew Morahan et Jeffrey Abelson, avec la participation de Schwarzenegger dans le rôle du T-800, ce dernier, poursuivant les membres du groupe rock. L'acteur Robert Patrick fera pression pour l'utilisation de la chanson « Head Like a Hole » du groupe Nine Inch Nails comme chanson d'accompagnement, en partie parce que son frère, Richard Patrick, était leur guitariste de tournée. Malheureusement, cette proposition ne sera pas retenue. Le montage du film de science-fiction sera réalisé par Conrad Boff, Richard Harris et Mark Godbout dans un temps relativement restreint. Le plus difficile pour eux sera la complexité des scènes de bataille entre les Terminators qui nécessitait une combinaison de prises de vue en direct, d'effets pratiques et de CGI. Apprenant de son expérience sur le tournage de son film précédent, The Abyss, où il dut précipiter le montage par manque de temps, Cameron limitera le nombre de jours de tournage sur cette production à 5 jours par semaine afin de pouvoir aider au montage durant le week-end. D'ailleurs, la version finale du long-métrage était beaucoup trop longue pour les exécutifs de la Carolco qui demanderont alors des recoupes. Et donc, plusieurs scènes seront supprimées, dont la séquence où le fantôme de Kyle Reese apparaît à Sarah dans un rêve, une séquence où Sarah est battue à l'hôpital, une autre séquence où le T-1000 tue le chien de John Connor, la séquence où John apprend au T-800 à sourire et qui discute de sa peur de la mort, du dysfonctionnement du T-1000 après avoir été gelé dans l'aciérie et de scènes supplémentaires de Dyson et de sa famille. Une autre séquence importante sera enlevée de la version cinéma, une version que Schwarzenegger cherchera en vain à conserver, celle-ci étant sa préférée du film. Il s'agit de la fameuse séquence dans laquelle John et Sarah modifient le processeur du T-800, lui permettant d'apprendre et d'évoluer, et durant laquelle Sarah tente de détruire ce processeur. La scène fut remplacée par un dialogue indiquant que le T-800 possède déjà la capacité d'apprendre. Toutes ces séquences seront rajoutées plus tard dans la version du réalisateur, disponible dans le format vidéo domestique. La fin scénarisée décrivait un 2029 alternatif dans lequel une Sarah âgée raconte comment Skynet n'a jamais été créé, tandis que John, maintenant sénateur américain, joue avec sa fille sur un terrain de jeu à Washington. Cette séquence, qui sera filmée à l'Arboretum de Los Angeles à Arcadia, sera changée en une scène durant laquelle les personnages regardent la route devant eux afin de rendre la conclusion plus mémorable. La production se déroulera jusqu'à environ 2 jours avant la sortie en salle du film, les retards étant principalement causés par le rendu des plans numériques chez Consolidated Film Industries, dont le plus difficile fut la mort du T-1000. L'équipe de cette entreprise travaillera 24 heures sur 24 et dormait sur place afin de terminer tous les effets dans les délais. La version finale de Terminator 2, Judgment Day, sera livrée la veille de sa sortie en salle. 2 avant-premières privées auront lieu, une au Skywalker Ranch pour les membres de la famille et les amis de toute l'équipe technique et l'autre à Los Angeles pour les dirigeants du studio Carolco. À cause des délais additionnels et de certains problèmes techniques, le coût pour produire Terminator 2 coûtera au final plus de 75 millions de dollars avant sa commercialisation. En incluant les coûts de marketing et autres, le budget total du film se situait entre 94 et 102 millions de dollars. Des sources d'information qualifièrent Terminator 2 comme étant le film indépendant le plus cher de tous les temps et prédiront que ce film mettrait la compagnie Carolco en faillite, ce qui ne sera visiblement pas le cas. La saison théâtrale estivale, qui s'étend de la mi-mai au début septembre, devait être marquée par une forte concurrence entre les studios cette année-là. Plus de 55 films étaient prévus pour sortir durant l'été 1991, contre seulement 37 en 1990. Les dates de sortie subiront de fréquents changements, les studios cherchant à échapper à la concurrence directe et à optimiser l'échange de succès de leur production. Parmi ces films, on pouvait y retrouver City Slickers, Naked Gun 2½, Hudson Hawk, The Rocketeer, Point Break, Backdraft, Dying Young et Robin Hood, Prince of Thieves. La première eut lieu le 1er juillet 1991 au Cinéplex Odeon du Century City à Los Angeles. Parmi les célébrités présentes figuraient Maria Shriver, Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Sharon Stone, Michael Douglas et Soleil Moonfry. Terminator 2 Judgment Day sortira dans plus de 2274 salles aux États-Unis et au Canada et amassera plus de 31,8 millions de dollars durant son tout premier week-end. Au cours du week-end de vacances de 5 jours, Terminator 2 rapportera plus de 52,3 millions de dollars, devenant ainsi le deuxième total d'ouverture sur 5 jours le plus élevé jamais enregistré derrière les 57 millions de dollars de Batman en 89. Le film conservera sa position de numéro 1 au box-office pendant plus de 4 semaines avant d'être déclassé par la comédie satirique Hot Shots. Au total, Terminator 2 Judgment Day rapportera plus de 204,8 millions de dollars sur le continent nord-américain et établira de nombreux records au box-office à l'échelle internationale en amassant un 312,1 millions de dollars additionnels, ce qui en fera le tout premier film américain à amasser plus de 300 millions de dollars en dehors des États-Unis et du Canada. S'ajoutera à cela des revenus de plus de 7 millions de dollars pour les droits de diffusion à la télévision nord-américaine, plus de 10 millions de dollars pour les droits de la vidéo domestique et un autre 60 millions de dollars additionnels provenant des droits de cinéma, de vidéo domestique et de télévision en dehors des États-Unis et du Canada. L'accord de distribution avec TriStar Pictures vaudra à la compagnie Carolco un pourcentage fixe du budget estimé à 4 millions de dollars. Terminator 2 Judgment Day terminera premier au box-office nord-américain et en deuxième place au box-office mondial, tout juste derrière le dessin animé Beauty and the Beast de Walt Disney. Au Saturn Award de 1992, T2 recevra les prix du meilleur film de science-fiction, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice, de la meilleure performance d'un jeune acteur et des meilleurs effets spéciaux, ainsi qu'une nomination pour le prix du meilleur acteur. Le film rapportera le prix du film préféré au public au 18e People's Choice Award. Lors de la 45e cérémonie des British Academy Film Awards, Terminator 2 obtiendra le prix du meilleur son et des meilleurs effets visuels, ainsi qu'une nomination pour le meilleur design de production. La 64e cérémonie des Oscars vaudra à Terminator 2 4 prix, dont meilleur maquillage, meilleur son, meilleur montage d'effets sonores et meilleurs effets visuels, ainsi que des nominations pour la meilleure photographie et le meilleur montage de film. T2 sera le tout premier film à Hollywood à remporter un Oscar, alors que son film prédécesseur, lui, n'avait pas été nominé. Le drame de science-fiction rapportera également 6 prix aux MTV Movie Awards de 1992, dont celui du meilleur film, de la meilleure séquence d'action, de la meilleure performance d'un jeune acteur, de la meilleure performance féminine, ainsi que celui de la meilleure performance masculine. Le film obtiendra également des nominations pour la meilleure chanson d'un film, le meilleur méchant et la femme la plus désirable. Finalement, Cameron et Washer obtiendront le prix Hugo pour la meilleure présentation dramatique scénaristique. Suite au succès de Terminator 2 Judgment Day, Schwarzenegger deviendra une star internationale de premier plan devant des acteurs tels que Mel Gibson et Tom Cruise. Ce film marquera également le début d'une amitié durable entre Schwarzenegger et Cameron, qui formeront par la suite un club de motards pour des hommes dans leur crise de la quarantaine. Les deux hommes seront plus tard de nouveau réunis pour le film d'action True Lies en 1994. James Cameron et Linda Hamilton commenceront une relation amoureuse en 1991, se marieront par la suite en 1997 avant de divorcer en 1999 après que Hamilton ait découvert que Cameron avait une aventure extra-conjugale avec l'actrice Suzy Amis, rencontrée durant le tournage du film Titanic. Cameron et Amis se marieront par la suite en 2000. Pour Edward Furlong, ce dernier deviendra un acteur très recherché, malgré ses problèmes de consommation d'alcool et de drogue, alors que Robert Patrick aura du mal à gérer sa nouvelle popularité, alors que les gens lui demanderont sans cesse de se faire passer pour le T-1000. Le drame de science-fiction fut commercialisé avec de nombreux produits, notamment des jouets, des figurines de collection, des cartes à collectionner, des puzzles, des vêtements, un parfum nommé Héros et une romanisation de l'auteur Randall Friggs. En 1991, Marvel Comics adaptera le film en bande dessinée, qui sera suivi par des extensions du récit de Terminator 2, notamment Cybernetic Dawn de Malibu Comics et Nuclear Twilight, Infinity et Revolution de Dynamite Entertainment. Au début des années 2000, une série de romans écrits par l'auteur S.M. Sterling verront le jour. De plus, plusieurs adaptations de jeux vidéo de Terminator 2 seront publiées, dont un jeu d'arcade en 1991. Le jeu d'arcade était suffisamment populaire pour être adapté pour les consoles de jeux telles que Game Boy, la NES, le Sega Genesis et la Super Nintendo Entertainment System, sans oublier pour les ordinateurs personnels. Tous ces produits dérivés de Terminator Judgment Day généreront plus de 400 millions de dollars de ventes jusqu'en 1997. En 1996, une attraction live intitulée T2 3D, Battle Across Time, sera inaugurée au studio Universal de la Floride, puis à Hollywood, ainsi qu'au Japon. L'attraction de 20 minutes sera coécrite et réalisée par Cameron lui-même et coûtera plus de 60 millions de dollars à produire. Cette attraction comprendra des cascades en direct et un film en 3D de 12 minutes mettant en vedette Schwarzenegger, Hamilton, Patrick et Furlong, ses acteurs, reprenant alors leurs personnages respectifs, ce qui en fera le film le plus cher par minute produit de son époque. Dans ce court-métrage, Sarah et John tentent d'arrêter Cyberdyne qui a développé Skynet. Ils seront confrontés au T-1000, mais sauvés par le T-800, qui revient en 2029 avec John pour vaincre Skynet et sa dernière création, le T-1000. En 2016, James Cameron supervisera la conversion de T2 en version 3D, le négatif original du film étant alors numérisé à une résolution 4K, Cameron en profitant pour apporter quelques modifications mineures. Plus de 1800 artistes travailleront sur ce projet pendant plus de 8 mois. La sortie en salle du remaster 3D, cependant, sera une véritable déception, le film n'amassant qu'un maigre 562 000 $ lors de ses débuts dans plus de 386 cinémas, contrairement à la réédition 3D de Titanic, qui, lui, assurera plus de 17 millions de dollars additionnels lors de sa sortie en 2012. La sœur jumelle de Linda Hamilton, Leslie, apparut comme le double de Linda dans quelques scènes de T2, notamment lorsque le T-1000 prend l'apparence de Sarah Connor à la fin du long-métrage. Malheureusement, Leslie Hamilton décédera le 22 août 2020 à l'âge de 63 ans des suites d'une blessure par balle à la tête. Elle est décédée à Mount Laurel, au New Jersey. Malgré le succès de Terminator 2 en 1991, la compagnie Carolco signalera des pertes de plus de 265,1 millions de $ en 1991, causées par les problèmes financiers de ses autres films et filiales. Suite à l'échec cuisant au box-office du film de pirates Cutthroat Island, le studio déclarera faillite et fermera officiellement ses portes le 22 décembre 1995, laissant alors les droits de Terminator en suspens pour un avenir incertain. Eh bien, du côté des points forts, je vous suggère fortement d'écouter la version longue plutôt que la version cinématographique du film, puisque celle-ci explique vraiment mieux l'évolution du T-800 et les raisons derrière cette évolution. Cependant, le rajout de certaines séquences donne une certaine impression de longueur au film. Terminator 2 est visuellement tout simplement époustouflant, Cameron nous en mettant plein la vue avec ses cascades extraordinaires et ses scènes d'action tout simplement spectaculaires. La différence du budget paraît ici, le réalisateur nous donnant une mise en scène qui cartonne ici avec des effets spéciaux fort réussis. Suite égale plus d'argent, plus d'action, plus de violence et plus d'explosions, et surtout, plus de tout. Robert Patrick vole la vedette ici en T-1000, mais Schwarzenegger et Hamilton sont également excellents dans leurs rôles respectifs. Alors que la musique de Fiddle est de loin supérieure à l'original ici, la relation amusante entre le T-800 et John Connor fonctionne due principalement entre la magnifique chimie entre Furlong et Schwarzenegger. Du côté des effets spéciaux en CGI, ceux-ci sont tout simplement époustouflants pour l'époque et ont admirablement bien vieilli avec le temps. Mais du côté des points faibles, eh bien, si l'on se rappelle bien le film de 1984, l'histoire du voyage dans le temps ne fonctionne pas ici, la machine servant au retour temporel ayant été détruite dans le premier film. Au niveau de la distribution, bien qu'il se tire très bien d'affaire, le jeune Furlong demeure la pièce faible de celle-ci, principalement due à son manque d'expérience. Dans la version longue, certaines séquences ajoutées ne sont pas nécessaires, notamment celle du retour de Kyle Reese qui brise réellement le rythme. En regardant Terminator 2, il faut nous poser la question suivante. Comment la race humaine peut-elle défaire la menace des machines dans le futur avec des robots tels que le T-1000 qui sont pratiquement indestructibles? De plus, il est triste de voir que vers le milieu du film, celui-ci s'en va dans toute une autre direction, oubliant totalement la menace du T-1000 qui réapparaît par la suite tel un cheveu sur la soupe, sortant alors de nulle part. Finalement, le fait de chercher à faire rire le T-800 ridiculise quelque peu le personnage. Personnellement, j'aime beaucoup mieux le fait de voir un Terminator tirer dans les jambes de ses adversaires humains et de revenir à la fin en disant qu'il n'a tué personne. Au moins, le personnage demeure une machine de combat et non un bouffon qui cherche à sourire de travers. Malgré tout cela, T2 est un excellent divertissement pour tout amateur de films d'action. Du côté de la musique, eh bien, c'est encore le compositeur Brad Fiedel qui est responsable de la musique, ce compositeur américain qui a réalisé la musique des films Fright Night, la version 1985 et sa suite, ainsi que Blue Steel et Johnny Mnemonic. On peut trouver la trame sonore du film Terminator 2 Judgment Day en CD. Elle est sortie sous l'étiquette Varese Saraband le 13 août 1991. Puis par la suite, nous avons le Terminator 2 Judgment Day RSD Vinyl Edition. Donc, c'est un vinyle qui est sorti à seulement 10 000 exemplaires sous l'étiquette Silver Screen, un vinyle qui ne comprend que 12 minutes de musique. Vous avez un autre vinyle qui, lui, va sortir le 8 septembre 2014 sur l'étiquette Silver Screen. Vous avez par la suite un CD qui sortira le 17 août 2010 sous l'étiquette Silver Screen. Et finalement, Terminator 2 Judgment Day Remastered sera un CD qui sortira le 7 mars 2017 sous l'étiquette UMC. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Terminator 3. À l'époque, il était coté 4. Moi, j'y vais également avec une cote 3, un film qui a très bien vieilli avec le temps. Du côté de l'âge et du contenu, à l'époque, le film était coté 18 ans. Eh bien, la régie du cinéma a retravaillé sa cote et l'a mis à 13 ans indicatif. Moi, j'y vais également pour un 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Du côté de Terminator 2, Judgment Day, eh bien, Mediafilm a coté à l'époque le film 5. Aujourd'hui, il est coté 4. Moi, j'y vais avec une cote 5 pour la version cinéma, mais j'y vais avec une cote 4 pour la Director's Cut. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour un langage vulgaire et des scènes de violence. Au niveau du DVD, du Blu-ray et autres formats, eh bien, Terminator se trouve en français et en anglais en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Vous avez également une version 4K du film de Terminator en version anglaise seulement. Vous avez également le 40e anniversaire Steelbook qui inclut la version DVD, Blu-ray et 4K. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est disponible. Pour Terminator 2, Judgment Day, le film est disponible en français et en anglais en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Le film existe également en 4K et en Ultra HD. Donc, vous pouvez vous procurer ça sur le marché. Sans oublier que vous avez en DVD et en Blu-ray le Terminator 6 Film Collection. C'est un ensemble qui inclut Terminator, Terminator 2, Terminator 3, Salvation, Genesis et Dark Fate. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le marché actuellement.